Salut à toutes et tous, on est le 13 avril 2020 et là, c'est le troisième épisode de la chronique sur la surveillance numérique. Et comme le gouvernement continue d'entretenir le suspense sur ce qu'il va mettre en œuvre, ça va finir par devenir un feuilleton radiophonique. Alors, précédemment dans la chronique sur la surveillance numérique. Le gouvernement veut activer un plan de surveillance de masse. Mais il est un peu coincé par ses propres lois, et il n'est pas très sûr que tout le monde accepte d'être encore plus fliqué. Alors, il forme une commission, demande conseil à des experts, démarche les entreprises du flicage numérique et multiplie les annonces. Depuis quelques jours, le gouvernement dit plancher sur un projet de backtracking, appelé aussi contact tracing. L'application, elle est appelée Stop Covid, et on va laisser Cédric O, secrétaire d'État au numérique, la présenter. Alors, c'est extrêmement simple. C'est une application, si nous arrivons à la développer, qui serait une application de protection individuelle et qui remplirait une seule fonction, c'est de vous prévenir, si vous avez été en contact dans les jours précédents avec une personne qui s'est ensuite déclarée Covid+, c'est-à-dire testée positif au coronavirus, de telle manière que vous puissiez vous-même prendre des dispositions, c'est-à-dire aller vous faire tester et le cas échéant, vous confiner. Donc dans un pays où le système de soins a été détruit par une succession de politiques libérales, dans un pays où on laisse crever les gens en prison, en centre de rétention et dans les EHPAD, dans un pays où des entreprises comme Airbus, Deliveroo ou Amazon mettent en danger des travailleurs et des travailleuses en refusant de stopper leur activité, dans un pays où la police peut tuer une personne sans domicile lors d'un contrôle d'attestation ou tirer au LBD sur une enfant de 5 ans dans un quartier populaire, bref, dans notre pays pourri, l'urgence pour ce gouvernement, c'est de mettre en place une application pour qu'on devienne à la fois notre propre balance, notre propre flic et notre propre maton. L'urgence, c'est de filer des millions d'euros à des entreprises du numérique et de passer à la vitesse supérieure dans le domaine des technologies de surveillance. Ok, les gens que l'État décide de mettre en danger ou de laisser crever doivent apprécier. De ce qu'on sait pour le moment de la solution sur laquelle se projette le gouvernement, c'est qu'elle utilisera la technologie Bluetooth. Le Bluetooth, c'est donc une technologie qui permet aux téléphones de communiquer entre eux sans passer par l'opérateur téléphonique, mais qui est connue pour son manque de fiabilité et pour sa facilité à être piratée. L'application ne devrait pas être rendue obligatoire et les données qu'elle récolte devraient être stockées sur le smartphone ou sur une clé, donc non centralisées sur des serveurs. Cédric O annonce qu'il pourrait s'agir donc d'une clé qu'on branche sur le téléphone et que le gouvernement pourrait produire massivement. Là aussi, les personnes qui bossent sans protection doivent apprécier que le gouvernement prévoit de fabriquer massivement des clés pour smartphone. Et pour les personnes qui n'ont pas de smartphone, Cédric O se veut rassurant. Un des principaux points qui nous préoccupe, à la fois les gens qui n'ont pas de smartphone, et puis ceux aussi qui ont du mal avec le numérique, parce qu'on sait qu'il y a une fracture numérique en France, et nous réfléchissons soit effectivement à déployer plus de smartphones, à aider les gens à en acquérir, voire à avoir une solution qui ne passe pas par les smartphones, mais qui reste très hypothétique technologiquement. Quant à la question de savoir comment l'application prévient que tu as été en contact avec quelqu'un ou quelqu'une qui a été testé positif au coronavirus, c'est pas très clair. Deux versions circulent. L'une qui dit que si tu te rends compte que t'as le Covid-19, tu peux filer ton téléphone aux autorités pour qu'elles retrouvent les personnes avec qui tu as été en contact. Et l'autre qui dit que l'appli enverra automatiquement l'info au smartphone que ton smartphone aura rencontré. Le tout, bien sûr, de manière anonyme. C'est-à-dire que ce sont des données anonymisées et que personne ne pourra retracer ni qui a été infecté, ni qui a infecté qui. Faut vraiment nous prendre pour des quiches pour penser qu'on va croire qu'on peut retrouver des anonymes pour les prévenir qu'ils ont croisé d'autres anonymes qui ont maintenant le Covid-19. L'anonymat dont parle le gouvernement, c'est un anonymat somme toute assez relatif. Si effectivement l'application, elle va pas stocker l'identité des personnes auxquelles appartiennent les smartphones qu'elle a croisés, elle va bien devoir stocker quelque part un identifiant unique qui permettra ensuite de recontacter ces smartphones, non ? Et là, si les smartphones ils sont plus à proximité, ils vont bien être obligés de se servir du réseau des opérateurs téléphoniques pour envoyer l'info. Quelles traces vont rester ensuite sur les smartphones, sur les serveurs des opérateurs téléphoniques ? Qu'est-ce qui garantit que les autorités n'auront pas accès en fait à ces traces ? Crois en moi que je puisse veiller sur toi. Attention, va descendre. Mercredi, la présidente de la CNIL, Marie-Laure Denis, a pris position sur l'appli. C'est seulement en gagnant le pari de la confiance du respect de la vie privée que nos concitoyens pourraient être susceptibles d'adopter un tel dispositif de façon suffisamment vive pour en assurer l'efficacité sanitaire. C'est vraiment du foutage de gueule. La CNIL, qui est censée rendre des avis qui s'appuient sur des données juridiques et techniques, est en train de nous parler de pari et de confiance. Ok, passons. De toute façon, on sait que même si elle émettait un avis défavorable, le projet passerait quand même. Fais un somme sans méfiance, je suis là, aie confiance. Le Chaos Computer Club, qui est un collectif de hackers allemands, est allé jusqu'à poser une liste de 10 prérequis pour l'utilisation de cette technologie. Dans le communiqué qui détaille ces 10 points, le CCC s'explique ainsi. En principe, le concept d'une application liée au corona implique un risque énorme vu les données de contact et médicales qui peuvent être collectées. En même temps, c'est une chance pour les concepts de confidentialité par conception et pour les technologies qui ont été développées par la communauté de la cryptographie et de la confidentialité au cours des dernières décennies. Avec l'aide de ces technologies, c'est possible de développer le potentiel épidémiologique du suivi des contacts sans créer de désastre pour la vie privée. Pour cette seule raison, tous les concepts qui violent ou même menacent la vie privée doivent être strictement rejetés. Et la suite, c'est pas le rejet en fait, c'est 10 recommandations qui tentent de faire croire qu'à ces conditions, on pourrait accepter une telle appli. Alors non, quels que soient les engagements des gouvernements en matière de respect de la vie privée, c'est l'existence même d'une telle appli qu'il faut rejeter. Bientôt, le CCC fera comme la CNIL et nous dira de faire confiance aux États. Aie confiance, oui, crois en moi, que je puisse veiller sur toi. Dans les autres réactions qui sont foutage de gueule, il y a celle qui consiste à demander à ce que l'application elle soit open source. Autrement dit, d'avoir accès au code qui fait tourner le logiciel pour savoir comment il fonctionne. Mais ça, c'est pas une revendication, en fait. Ou alors, c'est peut-être une revendication de dernier recours. L'ensemble de celles et ceux qui ont à cœur les libertés publiques, la vie privée, l'anonymat sur Internet, ils devraient pas plutôt être debout, là, à se battre pour qu'un tel logiciel ne puisse pas voir le jour. Ils devraient pas être en train de faire des appels aux développeurs et développeuses pour en saboter la production, faire des appels à pirater l'appli, par exemple, et être en train d'alerter sur le flicage numérique. Bon, tout le monde n'est pas en train de se transformer en courroie de transmission des délires sécuritaires de nos dirigeants. Il y a quand même des gens qui passent du temps à expliquer les problèmes que pose l'utilisation de ces technologies dans un contexte comme celui-ci, mais aussi pour le futur. Car comme on l'a déjà dit ici, une des principales inquiétudes, c'est ce qui s'appelle l'effet cliquet, et donc le fait d'un retour en arrière impossible ou partiel. Alors peut-être qu'on pourra désinstaller l'application et détruire les données associées. Mais l'infrastructure qui aura été mise en place et testée, ben comment on la vire ? Si on accepte la mise en place d'une telle application, on accepte de participer à l'un des plus grands tests de surveillance massive jamais réalisés avec le consentement de la population. Je dis pas qu'il n'y a pas déjà de la surveillance massive. Les outils informatiques que nous utilisons nous pistent, que ce soit au bénéfice des autorités ou de l'industrie, donc soit dans des logiques de contrôle, soit dans des logiques marchandes, et dans tous les cas, au service du capitalisme. Mais là, le backtracking, à l'échelle de plusieurs pays européens, c'est quand même autre chose, non ? Donc sur la base du volontariat ou pas, on s'en fout. Avec des données stockées sur une clé ou pas, on s'en fout. Chiffrées ou pas, on s'en fout. Logiciel libre ou pas, on s'en fout. C'est simple, ce truc-là, on n'en veut pas.